Hello, hello. Salut, salut, salut, salut. Bonsoir. Bon, est-ce que je peux jouer de la basse ? Bassiste, pardon. Stéphana. Il y a quelqu'un qui joue de la basse, là ? C'est quoi ce son ? Ah, c'est une basse avec une distorsion, ça. Bon, je chante, alors. Bonsoir, Paris ! J'allume le poste, elle me laisse tomber à moitié à mort. Bon, attends, je suis la guitare là. Pipaxis. Non, c'est qui fait la rythmique là? Et vous n'avez pas entendu le refrain. Cette chanson s'appelle L'heure H. Elle a été écrite par Jérôme Abderrahman. Franchement, c'est cool, ça marcherait ça. L'heure H. Bon, il me faut une batterie là. Il n'y a plus de batterie ? Bon, je vais mettre une batterie. On a quoi là ? 110. 110 ? Vous êtes à combien ? 120. Ça déconne, ce truc. problème. C'est 120. Je suis à 120. Ready? Thank you. perturbé à substance subtile. Le ton se traîne en vieillard sénile. Mais au fait, mais quelle heure est-il? Il est 18, fume du hakik. Il est 22, roule de la beurre. Il est 39, je me fais ma teuf. La nuit passée au narguilé. Une heure de plus s'est écoulée. Regarde-moi bien, je suis défoncé. Dans les aiguilles et tournent bêtes. Dans les aiguilles et tournent bêtes. J'aurais mieux fait de prendre un quart d'heure ou d'aller voir ce qui se passe ailleurs au lieu de sombrer dans ce bonheur dont s'évolue pleine de douceur. Se ferme, j'ai mal au cœur. Mes visions plongent dans la torpeur. C'est qu'en se crevant métier de rouleur. Dis-leur, dis-moi, allez, dis-leur. Il est moins 12, fume la pelouse. Il est 17, kiffe la moquette. Minuit moins une, t'as plus une thune. Bientôt zéro. Dodo, l'heure du dodo, l'heure du dodo. Une heure de plus s'est écoulée. Regarde-moi bien, je suis défoncé. Dans les aiguilles. Regarde-moi bien, je suis défoncé. Tous les aiguilles et tous les fêtes. Tous les aiguilles et tous la de Monsieur Jérôme Abderrahmane, leur H, original. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.